Le service de clôture du Festival national de calligraphie consacré à la journée de la brillante étoile s'est tenu le 22 à la Maison de la culture internationale de Pyongyang sous la participation des cadres intéressés, des créateurs, des amateurs et des jeunes et enfants. Les diplômes d'honneur, certificats et médailles ont été remis aux meilleurs calligraphes.